des nounous, avec tout plein d'animaux, des vaches, des poules, des veaux et même des picornes. Les chèvres étaient si belles que nounous les sautait. Les ânes avaient des croûtes tout autour du maillot. Les gros taureaux aimaient bien prendre la tente à nous, sauf qu'un beau jour elle se déchira. Le sticky nounou et moi on prend les chèvres du voisin. Elles assurent bien très gros coup de rein dans le wagon. Et dans la ferme de chez nounou, des vaches et des chevaux. Et dans la ferme de chez Nono, les hommes étaient tous beaux, les femmes curées les veaux. Zoophile, moi je sais pas ce que ça veut dire. Nous on aime bien et les animaux nous rendent bien. La mère Huguette avait pris deux, trois coups de cacahuète. Et puis Ginette nous jouait la trompette. Monsieur Hugo mangeait des petits abricots. Et Henriette s'en est allée plein la rillette. Le gros Dudule s'est pété la rotule à cause d'une chef qui lui fout à l'eau. Et dans la ferme de chez Nono, y'avait des animaux, des vaches et des chevaux. Et dans la ferme de chez Nono, les hommes étaient tous beaux, les femmes durées les veaux. La ferme de chez Nono, la ferme de chez Nono. Et dans la ferme de chez Nono, il y avait des animaux, des vaches et des chevaux. Et dans la ferme de chez Nono,